Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 89e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du dialogue que nous avons commencé la semaine dernière en nous intéressant à une nouvelle question de Khalid à Mohammed. Pour nous remettre dans le contexte du dialogue, reprenons également la dernière réplique de Mohammed dans laquelle il indiquait à Khalid le nombre des prières que les musulmans accomplissent quotidiennement. في اليوم خمس صلوات. ما هي؟ هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. La nouvelle question de Khalid, ma hi, est composée de seulement deux termes. Elle débute par le pronom interrogatif ma, qu'on utilise pour interroger sur la nature d'une chose et qui correspond en français au pronom que, quoi, quel, ou à la formule qu'est-ce que en fonction du contexte. Elle est ensuite suivie du pronom personnel hiya, qu'on emploie à la troisième personne du singulier féminin et qui correspond au pronom personnel elle en français. Comme cette question est composée de deux pronoms, il est important de se remettre dans le contexte du dialogue avant de tenter de comprendre sa signification. En effet, elle fait suite à la réplique de Mohammed qui informait Khalid qu'il y avait cinq prières chaque jour, en disant « Fil yaoumi khamsu salawat ». Si on traduit maintenant littéralement la nouvelle question de Khalid, « Ma hi », on obtient en français « Quelle est-elle ?» et on pourrait alors penser que Khalid commet une erreur, car Mohammed mentionnait bien cinq prières, qui est un nombre supérieur à trois, alors que le pronom « hiya » s'emploie pour le singulier. La raison de cette contradiction apparente, c'est qu'en arabe littéraire, les noms pluriels qui se réfèrent à des choses, des objets ou des êtres vivants non doués de raison s'accordent au féminin singulier, comme nous l'avons déjà observé dans le quatrième dialogue de la première leçon. Dans la question de Khalid, c'est donc le pronom personnel du féminin singulier « hiya » qui remplace la construction « khamsu salawat » puisqu'il s'agit du pluriel d'une chose qui n'est pas douée de raison. Le sens de la question « ma hiya » posée par Khalid est donc « quelles sont-elles » puisqu'il sous-entend ici « quelles sont les cinq prières ?» Le pronom « hiya » en arabe littéraire peut donc s'utiliser pour remplacer deux types de noms. Premièrement, il peut remplacer un nom féminin singulier, qu'il soit doué ou non doué de raison. On pourra donc dire « Aïna Fatima ?»« Où est Fatima ?»« Hiya fil madrasa ?»« Elle est à l'école ?» Mais aussi, Aina Sayyara, où est la voiture? Hiya fi Sharia, elle est dans la rue. Dans la réponse à la première question, le pronom personnel Hiya remplace le nom Fatima, qui est un nom féminin singulier doué de raison, tandis que dans la réponse à la deuxième question, il remplace le nom Sayyara, qui est aussi au féminin singulier, mais qui n'est pas doué de raison. Deuxièmement, le pronom personnel Hiya peut aussi remplacer le pluriel d'un nom non doué de raison, qu'il soit masculin ou féminin. On dira donc « Aïn al-aqlam » où sont les crayons ?« Hiya fil haqiba » ils sont dans le cartable. Ou encore « Aïn al-tabashir » où sont les craies ?« Hiya al al-maktab » elles sont sur le bureau. Dans les réponses à ces deux questions, le pronom personnel « hiya » remplace à chaque fois le pluriel d'un nom qui n'est pas doué de raison. Dans la première réponse, il remplace le nom « al-aqlam » qui est le pluriel d'un nom masculin, et dans la deuxième réponse, il remplace le nom « al-tabashir » qui est le pluriel d'un nom féminin. Voilà pour aujourd'hui, ce 89e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, vendredi avec le 90e mini-cours dans lequel nous nous intéresserons à la réponse de Mohammed à cette nouvelle question de Khalid, wassalamu alaikum.